Je voyais le temps qui s'enfuyait. J'avais abandonné l'espoir que l'amour vienne un jour. Et puis j'ai croisé ton regard. Ah ah, hé hé. Si la terre n'a cessé de tourner, c'est pour que nous puissions nous rencontrer. Tant de fois la nuit a pensé mon cœur meurtri d'avoir été abusé encore une fois. Des errances passées, je ne veux rien regretter, puisque chaque pas me rapprochait de toi. Viens vers moi, ton cœur le sait déjà. Le destin nous offre une chance, ne dis rien, prends ma main. C'est aujourd'hui que tout commence. Ah ah, hé hé. Comment ai-je pu vivre sans toi? Tous ces matins sans saveur ni éclat. Je retrouve enfin la douceur et le parfum de ces rêves, tu venais me retrouver. Dans tes yeux, je vois la promesse de tant de joie. Sans perdre un instant, laissons-nous emporter. Sans toi, tous ces matins sans saveur ni éclat, je retrouve enfin la douceur et le parfum de ces rêves où tu venais me retrouver. Dans tes yeux, je vois la promesse de tant de joie. Sans perdre un instant, laissons-nous emporter.